On se barre d'ici, où y'a pas de stress. Moto, moto, j'accélère, oui, ben slam. Elle est où, ma princesse? Quitter la galère, quitter la galère, quitter la galère, quitter la galère. Et j'accélère, elle est où, ma princesse? Quitter la galère, quitter la galère, quitter la galère, quitter la galère. Et j'accélère, elle est où, ma princesse? Soleil hara, j'suis en mode vacances. Pas que d'armes, j'suis en bled, quelle ambiance. On est toi, on est Khalid. J'ai bossé, c'est pas de l'hasard, la AMG. Ah Willy, qu'est-ce qu'il y a? Ah Willy, à la Aqliya. Elle est où, ma princesse? On se barre d'ici, où y'a pas de stress. Moto, moto, j'accélère, oui, ben slam. Elle est où, ma princesse? Quitter la galère, quitter la galère, quitter la galère, quitter la galère. Et j'accélère, elle est où, ma princesse? Quitter la galère, quitter la galère, quitter la galère, quitter la galère. Et j'accélère, elle est où, ma princesse? Oh ma princesse, là j'ai fait que rêver de toi. Tu sais que j'ai dans la tête, laisse personne t'éloigner de moi. Mon sucre d'amour, j'ai le cœur qui bat quand je te vois. Et quand tu me regardes, c'est dans tes yeux que je me noie. Je lui dis je t'aime, au moins c'est dit. Elle pourra plus me dire ABCD. Nous deux c'est pour la vie, on s'est dit. Ça nous enlèvera l'anxiété. On se disputera, ouais, mais c'est dit. Mon amour, faut pas s'inquiéter. Ce soir, on est de sortie. J'ai la CB dans la CP. J'décompresse, y'a plus de complexe. C'est mon bébé, c'est mon bijou, c'est ma déesse. Quand avec elle, tu perruques et on est vers X. Et elle est où, ma princesse? Quitter la galère, quitter la galère, quitter la galère, quitter la galère. Et j'accélère, elle est où, ma princesse? Quitter la galère, quitter la galère, quitter la galère, quitter la galère. Et j'accélère, elle est où, ma princesse?